reflet éclaire mon linceul. La nuit s'étend, brûle dans mes veines. Chaque souffle efface la peine. Je suis Radurskil, la voix qui guide. Chaque instant marque une ride. Le sax murmure au fond du vent, comme un secret brûlant. Right as you.